Salut Charline. Encore les sujets. Bah, encore les régionaux. Oh non, on tourne en rond là. Ah, ce sera un hommage à notre invité qui tourne autour de ses acteurs avec sa caméra. Ah bon, c'est qui? Un homme et une femme. Shirley Dinah. Mais non, un homme et une femme le film. Bonsoir Claude Lelouch. J'adore Claude Lelouch. Oui, bon, bah ça tombe bien alors. Mon rêve, moi, ce serait de tourner un Claude Lelouch. Bah oui, mais faut être bon acteur pour ça. Ah non, non, non, de tourner en tant que réalisateur un Lelouch. Comment tu veux tourner un Lelouch comme réalisateur? Bah ouais, parce que s'il y a bien une constante dans les films de Lelouch, c'est le réalisateur. Ouais, ouais, évidemment. Bon, c'est pas grave, j'ai envie d'essayer. J'attends, je prends mon portable. Guillaume et Charline, vous êtes un couple. Ah super. Ah non. Non mais c'est pour le film. Vous vous rencontrez dans la salle d'attente d'un médecin. Et on dit quoi? Mais Lelouch, c'est la spontanéité, je vous donnerai les indications. Les filles, faites-moi une bande son. Parfait. Guillaume, il te reste 3 jours à vivre. Ouais. Charline, tu lui demandes pourquoi il est là. Action. Vous êtes là pourquoi? C'est bien. Il me reste 3 jours à vivre. C'est ça. Et vous allez faire quoi? Oh, je voudrais vivre des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui pour vous est extraordinaire? Les femmes. Oh. Les femmes sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Oh. D'où une quête sans fin que même la mort n'arrête pas. Oh, vous êtes beau quand vous parlez d'amour. Oui, c'est parce que j'aime l'amour. Je suis incisif de l'amour. Oh, j'aimerais être votre pierre, roulez-moi. Coupé! Magnifique, vous êtes parfait. On se retrouve à 14h pour la scène 2. Ouais, bah je pense que Lelouch il doit pas s'inquiéter. Hein. Dis Charline, là, ce que tu m'as dit là juste avant, tu le penses en fait? Guillaume, t'as entendu? Hein, il a dit coupé. Allez hop, hop, hop, les sujets là. Ouais, hein, c'est dur le cinéma. Bonjour la France Inter. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui se retrouve dans une triangulaire avec l'actualité. Et voici les 3 informations qui seront présentes au second tour jusqu'à 18h. Que faire quand on est de gauche et qu'on habite dans le Nord ou en PACA? Ou trouver de l'aide pour se préparer à voter pour Xavier Bertrand ou Christian Estrosi? Je ne peux pas, j'y arriverai jamais. C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Pendant la COP21, des artistes s'engagent et s'emparent de l'espace public. L'art peut-il déclencher une prise de conscience sur le réchauffement climatique? La résumée goudronneuse de l'estructure moléculaire de la cible. Oui, merci, merci Salvador Dali, merci, merci. Le cinéma français attire plus de spectateurs à l'étranger qu'ici en France. Le cinéma fait à nouveau rayonner la France dans le monde. Le seul moment où en France le cinéma a bien marché, c'est pendant l'occupation. Ah, bon, bah alors en 2016, ce serait une bonne année alors. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est pris dans une triangulaire entre Guillaume et moi. Chabalabala, c'est Alex Vizorek. Je vais vous dire si on est bien mis. Aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe à 17h20. Notre invité aime les voitures et les pilotes. Alors nous avons le Jean Alési de la chronique sportive. Il ne roule jamais sur la piste, c'est Samir Bouadi. Eh ben, bonjour. Salut Alexis. Non, Alex, pardon, je me fais rencontrer. Salut Charline, salut tout le monde. Ah oui, comme on a la chance d'avoir un passionné de sport et de vitesse et de voiture, on va parler de vitesse, de voiture et de cinéma un petit peu. Voilà. Très bien, à 17h30, notre invité aime le cirque et les clowns. Il ne va donc pas être déçu, puisque tous les jours, nous sortons notre clown blanc qui ne manque jamais de démasquer les augustes du grand cirque de la vie. C'est vous, Guillaume Meurice. C'est beau ce que vous dites. Oui, bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je suis allé à la contre-COP21, un événement où se retrouvent les fameux climato-sceptiques. Et alors attention, je vous promets qu'ils sont au premier degré. Greenpeace et le WWF devraient nous remercier de promouvoir le CO2. Voilà, voilà. Et à 17h40, elle aussi, elle a un point commun avec notre invitée. Quand elle se réveille le lendemain d'une soirée qui n'a rien à envier au Bacchanal, elle regarde l'homme dans son lit et se dit tout ça pour ça. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. De quoi on parle? Eh bien, on parle de une plus un plus un. Ah oui, voilà, ça y est, on est parti dans une quadrangulaire donc. Le référent de la République qui a accepté de présider de cette émission, est né sous Albert Lebrun. C'est donc un homme d'expérience. Je suis troublée. Vous sortez votre premier long métrage, Le propre de l'homme, en 1960, quand Henri Salvador chante Faut rigoler. Vous présentez Itinéraire d'un enfant gâté en 88, c'est l'année de naissance du groupe NTM, Nique ta mère. Puis sort en salle Salaud on t'aime en 2014, quand Closer révèle la relation entre Julie Gayet et le président de la République. Et vous, attention, rapprochez-vous du micro parce qu'on a envie d'entendre qui vous êtes. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Un vieux cinéaste de 78 ans. C'est vrai. Mais lequel, vous le saurez après ce jingle. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bon, tout le monde avait compris que Claude Lelouch était parmi nous. Oui. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour, bonjour. Votre nouveau film 1 plus 1 avec Elsa Silberstein et Jean Dujardin sort en salle demain. Mm-hmm. Alex Vizorek est allé le voir. Mais oui, alors c'était peut-être pas la bonne idée que ce soit moi, parce que moi je suis un fan de Lelouch et j'ai retrouvé... Mais j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Lelouch. Il y a même eu des surprises, mais d'abord je veux vous dire tout ce que j'aime. Et j'ai l'impression que vous-même, vous jouez de ces codes, vous-même vous vous dites je vais faire un petit peu du Lelouch, ça fera plaisir à ceux qui aiment le Lelouch. La première image, vous tournez autour du personnage principal, il y a des médecins qui parlent de vie qui s'arrête, il y a des flashbacks, il y a des hommes et des femmes qui parlent d'amour. Bref, c'est un Lelouch et quand vous vous y attaquez, est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Écoutez, comme j'ai compris que votre émission n'était pas très très sérieuse... Je ne comprends pas ce qui vous a mis sur le coup. Vous avez vu la question de con ? Je vais vous dire n'importe quoi. Ah. Voilà. Mais évidemment que je fais du Lelouch et j'ai été programmé pour ça. Depuis ma naissance, on m'a confié le rôle de Claude Lelouch. C'est un rôle que j'adore parce que c'est le rôle d'un homme curieux qui s'intéresse à tout, qui aime la vie, qui aime le chaud, le froid, la montagne, la mer, les gens intelligents. J'adore, j'ai une préférence pour les cons, bien sûr, parce qu'ils me font plus rire. Bienvenue. Vous êtes bien tombé. Mais j'aime tout, et c'est cet amour passionné que j'essaye de mettre dans mes films et qui fait qu'à un moment donné, j'essaye de dire aux gens sceptiques que s'ils ratent leur moment présent, ils vont être très malheureux. Voilà. Et là, moi qui aime le Lelouch, j'ai découvert des choses que... Il veut tourner pour vous, hein. On le sent un peu, quand même. Au-delà de ça, on va faire une pinte aiguillère. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous aimez les acteurs et vous leur donnez des partitions. Alors, je sais pas, vous dites que vous travaillez en les laissant improviser. Il y a une scène où vous donnez un cadre très très fort, et j'avais jamais vu ça au cinéma. Vous imposez à Jean Dujardin de faire Elsa Silberstein dans ses vêtements, et l'inverse aussi, pour que chacun puisse se rendre compte de qui ils sont. Alors évidemment, on ne sait pas dans combien de temps ils sont arrivés à ça, si c'était une évidence, c'est un peu comme la scène dans Itinéraire d'un enfant gâté avec Anconina et Belmondo, on ne sait pas si c'était boum, c'est tombé. Mais en tout cas, ce point de départ-là, il est hyper fort. Quand vous avez cette idée-là, est-ce que vous vous jubilez de vous dire « Ah, je vais mettre ces deux acteurs-là dans ces conditions-ci » Alors, d'abord... J'ai entendu pas mal de bêtises depuis 50 ans. Vous en je pensais depuis 10 minutes, ça m'aurait angoissé. Mais il n'y a pas tant d'improvisation que ça dans mes films, parce que l'improvisation, ça mène nulle part, ça va dans le mur. Tous mes films sont très très écrits. Et il y a ce qu'on appelle les figures imposées et les figures libres, comme dans le patinage artistique, pareil. Voilà. Et donc ce que j'aime, c'est qu'à un moment donné, la vie rentre dans mes films. Voilà, aujourd'hui, la plupart des films sont très très écrits à la virgule, machin. Il y a des brouillons qui ont été faits, des grands auteurs qui travaillent là-dessus. La vie, c'est pas ça. Dans la vie, on dit n'importe quoi, on dit des choses formidables, on dit des conneries, on fait des marches avant, des marches arrière, on se trompe, on revient. C'est ce que j'essaie de mettre dans mes films. Ce que j'ai envie, c'est qu'on croit à l'histoire que je raconte. J'ai envie de la spontanéité. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient spontanés. Quand ils sont spontanés, ils disent des choses. Voilà. Alors, il y en a qui appellent ça de l'improvisation. Moi, j'ai vu des films d'improvisation, c'est regardable. Mais cette spontanéité, c'est-à-dire que vous leur donnez quand même les codes de départ, et non, puis arrive ce qui arrive. Tout est écrit, et quand la scène a été jouée, quand les figures imposées ont été faites, je coupe pas. Mm-hmm. Je coupe pas, je laisse la vie continuer. Et à ce moment-là, les acteurs cessent d'être des comédiens et redeviennent des êtres humains et continuent l'histoire sans moi, comme si il y avait pas d'auteur. Et à ce moment-là, moi, je redeviens spectateur de mon film. Dans la première partie, je suis un auteur qui est satisfait pour son ego parce qu'il entend ses mots, ses machins. Et puis, dans la deuxième partie, je réentends la même chose. Je leur demande de rejouer la même scène, mais avec leurs idées à eux, avec leurs mots à eux, avec leur humeur à eux, parce que la bonne humeur et la mauvaise humeur, il y a rien de plus photogénique. Et donc, la première chose qui m'intéresse le matin quand j'arrive sur le plateau, c'est l'humeur des comédiens. Et ça, je le sais grâce au maquillage, coiffure, c'est là que ils peuvent s'épancher. Et là, on me dit, aujourd'hui, ils sont de très bons poils, où ils sont ? Ils sont avec leurs valises, ils ont leurs emmerdes, et je vais me servir de tout ça, parce que c'est incontournable, l'humeur. Et donc, je vais me jouer avec ça, je vais jouer avec la vie. C'est-à-dire qu'il y a un acteur qui joue dans tous mes films, c'est la vie. Et je l'invite à tous les plans, voilà. Et donc cette vie, d'autres pensent que c'est l'improvisation, mais c'est regardez, là, on est dans un studio, la vie peut à un moment donné casser votre émission, être plus forte, on peut recevoir une information qui fait que tout ce que vous aviez envie de me dire, on ne me le dira pas, on ne sait pas, mais la vie, elle est là, c'est l'équivalent du direct à la télé, c'est pour ça que je déteste les émissions montées, les émissions machin, j'adore le direct, c'est du direct là. Ah oui, 17h17 sur France Inter. Tout est possible, voilà, ouais. Et donc quand tout est possible, on voit pas les choses de la même façon. Moi, voir un match de foot en direct et le revoir après, c'est pas pareil. Voilà. Donc, j'essaye de faire du cinéma comme on appréhende la vie, c'est-à-dire avec ce suspense qui fait que, à tout moment, la catastrophe peut arriver ou le bonheur. Voilà. Et là, la vie, c'est quoi? C'est aussi la musique qui arrive là. Alors, c'était écrit, c'était prévu, pas forcément à 17h17, là il est 17h18, on est en direct avec Claude Lelouch, 1+1 avec Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. Et l'Inde. Et l'Inde, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, ça sort en salle demain. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's true. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Light My Fire sur France Inter, en compagnie de... De Claude Lelouch, oh, il est là. Il est là. Et autour de la table, eh bien, nous avons mis les meilleurs comédiens. Nous avons du Guillaume Meurice, du Samir Bouadi et de la Juliette Arnault. De la Juliette Arnault. On l'a en tout entière. Mais bien sûr, il y en a un peu plus, je vous le mets. Claude Lelouch, il est là entier pour présenter son film 1+1. Il sort en salle demain et on va reparler tout à l'heure, notamment en parlant de l'Inde. Et là, tout de suite, place à l'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et à 17h21, on commence par les titres. Manuel Valls était invité hier aux 20h de TF1. Nicolas Sarkozy à celui de France 2. Et c'est Valls qui a gagné la guerre de l'audimat. Donc un socialiste sur une chaîne de droite fait plus d'audience qu'un libéral sur une chaîne de gauche. C'est déjà une info. Il y aura aussi des infos sur Xavier Bertrand et sur Nadine Morano. Et si avec ça ne vous donne pas envie de rester... Et il y aura aussi des brèves. Et ça, je sais que vous ne savez pas vous en passer. Manuel Valls était hier soir l'invité du 20h de TF1. Oui, et il a été obligé de dire ceci. Dans la grande région Est, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, j'appelle à voter pour Philippe Richert. Bon, ça va encore, parce qu'après il a dû dire ceci. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, j'appelle à voter pour Xavier Bertrand. Il a du pire en pire, mais alors, le plus dur, c'est à venir. On s'en arrivait. En région PACA, j'appelle à voter pour Christian Estrosi. Si on lui avait dit un jour dans sa vie qu'il appellerait à voter Christian Estrosi. Et de son côté, Nicolas Sarkozy était au JT de France 2. Oui, et il n'a pas manqué d'être très clair. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas... passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Évidemment. Alors, une personne mal intentionnée peut penser qu'on peut tirer comme conclusion de cette phrase que cette semaine au Phuket, le menu est végétarien. Ah, c'est pas ça l'info? Mais non, c'est pas ça l'info. Ah, en fait, d'accord. L'info, c'est la suite d'une phrase qu'il avait commencé il y a quelques mois. Uh-huh. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Ah. Voilà. Bon, évidemment, faut remettre tout ça dans l'ordre. Donc, au final, ce n'est pas parce que vous voulez renverser la rhubarbe en voiture que vous descendez de la table dont vous abstenez de passer le sel au chauffeur. Ah, bah oui. Et a priori, l'électeur de droite sait immédiatement ce qu'il doit faire. Ouais, bah, moi j'ai compris. Hein. Bah oui, bah, c'est peut-être que vous êtes une petite électrice de droite. Allez. Ah bah non. Ah bah, bon, on y va. Voilà. Bon, alors reste à droite. On reste à droite. Xavier Bertrand était ce matin sur RMC. Et il a déclaré qu'il n'était plus certain d'être candidat à la primaire de la droite. Et ça, c'est vraiment con parce qu'il avait une sacrée chance de la gagner. Nadine Morano, à présent. Oui, elle a poussé un gros coup de gueule, Nadine. Elle en veut à son parti de l'avoir retiré de la course dans le Grand Est. Mais oui, mais c'est courageux de voir tous ces gens qui se retirent comme ça pour faire gagner la République. Oui, s'il avait su, le père de Nadine Morano aurait fait pareil. Voilà. Sport à présent. Hier, au Canada, 29 000 peluches ont été lancées sur la glace durant un match de hockey. Voilà, en foot français, on leur aurait plutôt envoyé des poupées gonflables. Sans transition. L'affaire de la sextape, oui. Benzema. Le sieur Benzema veut une confrontation avec le sieur Valbuena. On va être obligé de les franciser de toute façon. Donc, au prix où il les revend, il veut le voir pour organiser le tournage de la prochaine sextape. Ah, alors sport toujours. Oui, Hervé Renard, l'entraîneur viré de Lille, a répondu à une interview. Alors pourquoi est-ce que Hervé Renard cartonne quand il entraîne des équipes africaines, mais il est moins bon quand ce sont des clubs français? Mais les Français... Bah c'est dommage qu'il y en ait beaucoup en France, quoi. Et oui, Hervé. Et avec les élections, ça risque pas de s'arranger, ce petit problème-là. Bon, alors on termine par une brève. Oui, un chat privé de pattes arrière reçoit des implants en titane et remarche. Ah, bah c'est bien, il va pouvoir courir le 100 mètres. Oui, et d'ailleurs, la femme du chat a immédiatement quitté le domicile conjugal. Reprise normale de cette émission et du cours de France Inter. Mais Claude Lelouch est en promo, il a besoin comme ça de temps en temps, hop, d'avoir une petite dose d'information. Il est très spectateur en même temps, on voit le réalisateur. Vous êtes toujours généreux dans l'écoute et je trouve ça fabuleux. C'est vrai, il y a vraiment une curiosité pour les autres et ça se sent. Non, mais c'est vrai, je m'amuse tout le temps, heureusement, vous vous rendez compte. C'est un jeu extraordinaire, la vie. S'il n'y avait pas les tricheurs, ce serait un jeu formidable. Mais oui, tiens, et en parlant de coups de la vie et de tricheurs, bim, premier sujet. Quand on est de gauche en PACA. Aïe. Comment se préparer psychologiquement à voter Estrosi pour faire barrage au FN? Alors, il y a peut-être un début de solution. Je l'ai lu tout à l'heure dans Le Monde, daté de demain. Parce que le slogan d'entre-deux-tours de Christian Estrosi, c'est, attention, le résistant. Voilà. Pour quelqu'un qui a un programme proche du FN, c'est assez troublant pour les électeurs. Mais voilà, on comprend que ces électeurs de gauche, en PACA et dans le Nord, ils soient perdus. Mais qu'est-ce que je peux faire? Claude Lelouch, quand on est sympathisant de gauche en PACA, mon Dieu, on a le choix entre l'extrême droite et la droite extrême ou l'abstention. Quel dilemme, non? Est-ce qu'il n'y a pas un scénario? Ça s'appelle comment un scénario pareil, Claude? Dans l'aventure, c'est l'aventure. Je faisais dire à Denner, la politique, c'est la clarté dans la confusion. Et maintenant, c'est la confusion dans la confusion. C'est ça. Ce qu'il faut expliquer, c'est que le Front National, ce n'est pas un parti. C'est un bureau de réclamation. Et il n'y a jamais eu autant de réclamations, donc c'est normal tout ce qui se passe. Voilà. Vous voulez dire que ce n'est pas républicain, ce n'est pas un parti républicain? Non, mais écoutez, moi je suis un observateur, encore une fois, j'observe, et franchement, il n'y a pas une grande différence entre la France de Sarko et celle d'Hollande. Donc pour une fois où ils sont presque d'accord, ils devraient se mettre d'accord. Voilà. Bah, oui, ils étaient tout prêts, c'est vrai. Alors c'est allez-y, profitez-en. Vous êtes pour l'Union Nationale alors? Bah évidemment, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a 25% de gens qui sont définitivement à gauche, 25% qui sont définitivement à droite, et il y a 50% d'intermittents. Qui se baladent. C'est avec cela qu'il faut s'amuser. Et les intermittents, c'est les plus intéressants, parce qu'ils écoutent tous les discours, ils font des marches avant, des marches arrière, ils écoutent la météo, enfin ils sont dans la vie, ils sont dans la vie, et c'est cela qui m'intéresse. Les deux autres, c'est des bornés, on les fera pas changer, il y a 50% de bornés, et puis il y a 50% d'intermittents. Vous Donc aujourd'hui, il faut parler aux intermittents, à ceux qui écoutent et qui pourraient aujourd'hui faire une synthèse. Voilà. Mais j'adore l'époque qu'on traverse parce que c'est un très bel obstacle. Et peut-être que le Front National va enfin réconcilier la droite et la gauche. Claude Lelouch, vous n'allez pas me dire que vous êtes un intermittent ? Oh, si, du spectacle. Ah, d'accord. On connaît des intermittents bornés, nous, ici. Il y en a. Hein. Il y en a aussi, oui. Les deux, hein. Alors, bon, les socialistes, en PACO, et leur candidat, qui s'appelle Christophe Castaner, qui s'est donc retiré. Pourtant, il s'est évertué pendant des mois à torpiller la droite. Et maintenant, il appelle à voter pour elle. Donc, comment ça peut s'appeler ? Ça, c'est que c'est quand même troublant aussi. Comment on fait dans ces cas-là ? Vous voulez, là, vous n'avez pas envie d'être dans la peau d'un sympathisant de gauche en PACA, là, parce que c'est compliqué. Écoutez, Jésus et Judas, c'est pas une invention nouvelle. Hein. Hein, ça marche vu toujours. Comme ça. Mais est-ce que quand vous pensez à, par exemple, ces trois personnes-là, vous vous dites, tiens, si je les mettais ensemble à un bistrot, qu'est-ce que je pourrais leur faire dire ? Qu'est-ce qui pourrait sortir ? Quelle est la relation humaine ? Parce que vous regardez souvent quel est l'humain derrière le problème plus global. Je vais faire un remake de L'Aventure, c'est l'aventure. C'était exactement ça. Voilà. Faites gaffe, parce qu'Estrosi va vous dire oui. On fait des marches avant, des marches arrière, on dit n'importe quoi. Non, mais la France est un bistrot. Et en ce moment, on est un peu bourré, quoi. Ouais. Mais toujours en terrasse, mais n'est-ce toujours pas, en terrasse. Lelouch. Tiens, dernière chose, Danny Boone appelle à une forme de résistance. Il a posté un message sur sa page Facebook où, voilà, il est très chagriné parce que lui, évidemment, c'est sa région, le Nord, où il vante la tolérance, l'ouverture d'esprit, le sens de l'humour dans ses films. Enfin, c'était et dit... sa région. Oui, c'était. Justement, j'allais y venir. Ouais. N'anticipez pas non, trop. Non, j'anticipe pas. Maintenant, il est plus dans le Jura, c'est ça ? Il dit, je comprends le ras-le-bol. La peur, l'incertitude de l'avenir, mais je vous assure, mes biloutes, que voter pour l'extrême droite ne résoudra aucun des problèmes actuels, au contraire. Voilà l'adresse de Danny Boone aux biloutes, écrit depuis Londres. comment on le prend ? Je veux dire, c'est-à-dire, ici Londres, Danny Boone parle au français, ou pour fiscalement, je suis parti, mais je suis quand même à vos côtés. Il l'ouvre aussi, lui. Donc, je connais Danny, c'est un type qui a un cœur gros comme ça. Gros comme ça, même s'il est à Londres, il est très français et je pense qu'il est sincère. Voilà, donc n'y voyez aucune malveillance. Mais ce côté, je prends la parole pour dire ce qu'il faut penser en tant qu'artiste, vous trouvez ça plutôt bien ou vous trouvez qu'il vaut mieux faire son art et... Pourquoi on fermerait notre gueule ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aucun... On vous a pas invité pour ça. Non, mais à un moment donné, moi j'ai pas envie de faire de politique. Franchement, j'ai été obligé deux, trois fois par... parce que j'ai adoré Simone Veil, un jour je l'ai accompagnée. Je trouve que Sarkozy a des moments, des fulgurances extraordinaires qu'on aurait pu prendre un peu plus en considération. Voilà. Mais c'est vrai que la politique m'intéresse plus du tout, du tout, du tout, parce que elle est trop dans le court terme, elle a trop le sens des affaires, voilà, donc c'est tout. Et comme elle a trop le sens des affaires, elle se plante. Quoi. Claude Lelouch est avec nous, passionné de voitures, de vitesse. Oui. Samir Boily, vous allez contenter cette passion de notre invité. Je vais essayer parce qu'en fait, tout le monde se souvient autour de cette table de Bullitt, j'imagine. Hein, le film de... Steve McQueen. Absolument. Peter Yates, sorti en 68, qui met d'ailleurs, tu as raison, Steve McQueen, plus vif que jamais, plus beau que jamais, plus ténébreux que jamais, plus sportif que jamais, qui va faire montre de ses qualités de pilote, notamment à travers une course-poursuite mythique dans les rues de San Francisco au volant d'une Mustang GT Fastback qui sera en fait remplacée, mes amis, par une Dodge Charger pour des raisons de suspension. Tout le monde s'en fout, sauf Claude Lelouch, qui s'intéresse aux bagnoles. Alors ici, les rues de San Francisco, c'est quoi ? Ça dessine le décor idéal. Hein. Il s'agit de descendre et de remonter le plus vite possible, de prendre des virages à fond, de choper l'horizon entre deux rodéos. Le sport automobile remplace ici l'affrontement direct, le corps à corps ou la scène de duel de western. En quelque sorte, le sport, c'est la guerre sans les armes dans cette séquence magique. On assiste à un concours de vitesse d'un autre genre. On sort de la pratique sportive, de son contexte, on la sort, on l'installe dans une intrigue et finalement... L'intrigue finit par devenir le prétexte de cette pratique sportive. Eh oui, Steve McQueen, on le sait, était un dingue de voitures qui vont vite. On peut même dire, sans se tromper, qu'il était une sorte de bon pilote, mais frustré. Alors quand je dis frustré, pas à la manière de Guillaume Meurice, qui aimerait... Lui aussi, hein, conduire des voitures qui coûtent très cher, mais qui se l'interdit pour des raisons à la fois de sécurité, mais aussi, surtout, pour des raisons éthiques. Alors, on sait ce que deviennent les gens qui tournent le dos à leur vraie nature. Hein. Alors, en général, ils deviennent très vite végétariens. Hein. Ils boivent plus que de raison, maigrissent, perdent leurs cheveux ou ils deviennent blancs, dorment peu et finissent par dire du mal de ceux qui ont accepté leur vraie nature et qui, du coup, conduisent des voitures qui coûtent cher. Voilà, bon, bref. Enfin, c'est pas le propos de cette chronique, même si je l'avoue, cette chronique, pour l'instant, n'en a pas de propos. Encore que si. Si. À bien y répondre. Réfléchir. Et en revenant à Steve McQueen, mes amis, je me rends compte que finalement les sportifs ont de tout temps fasciné les acteurs et les réalisateurs. Steve McQueen a notamment pris des cours de Jeet Kune Do, art martial inventé par son ami Bruce Lee. La vélocité du petit dragon devait forcément l'impressionner. Ici, c'est donc la vitesse qui attire comme un besoin de mouvement, comme s'il se sentant trop lourd, trop lent. L'archétype de l'américain cool et sûr de lui, calme comme une superpuissance au milieu de sa sieste, avait un complexe de rapidité. Alors, se calant dans une voiture, le voilà qui file, qui trace la route, pied au plancher, comme pour dépasser le temps dans sa course folle vers la mort. Les sportifs qui foncent, comme ceux qui tapent, qui perchent, qui poussent ou qui javelonnent, ils cherchent en fait la même chose, à dépasser le réel, à le ringardiser, à lui donner des teintes sépia, histoire de se persuader que le passé n'arrivera jamais, que les hier ne seront pas et que l'instant est éternel et qu'il fige en un exploit permanent une jeunesse qui n'a pas hâte de se souvenir. On tourne le dos à l'évidence, on roule vite vers soi, on ne compte pas sur les déjà jadis pour se rappeler à son bon présent. On est avant l'empêchement, avant l'insultante courbature qui interdira bientôt le grand écart. Le sport automobile est pratiqué par un type d'individus qui ont le vertige lorsque le décor ne défile plus. Ils deviennent sourds dès lors qu'ils n'entendent plus le crissement des pneus. C'est-à-dire que vivre, en fait, c'est prendre le risque d'accélérer et se sentir très en vie quand on a gagné contre la montre. Tiens, contre la montre. Ça me rappelle un film dont le titre pourrait être, s'il ne l'est pas déjà, 8 minutes 24. Je vais en parler. Il s'agit d'un court-métrage réalisé en 76 par un jeune furieusement vivant qui a décidé de traverser Paris au volant d'une Mercedes 400 SL sur le pare-choc de laquelle il va fixer une caméra. Alors comme c'est un réalisateur et que le cinéma sait du son et des images, il rajoutera au montage le bruit d'une Ferrari 275 GTP. Encore une histoire de suspension. Le jeune cinéaste pilote donc son propre film. Il va piloter un film en conduisant une voiture à la vitesse de la pellicule parce qu'il n'en a pas beaucoup de pellicule. Il s'agit en fait des chutes d'un film précédent. Sans aucune autorisation, il ira jusqu'à faire des pointes à 200 km/h sur les champs. Ce jeune réalisateur, c'était vous, cher Claude Lelouch, c'est toujours vous. Comme quoi, il y a deux choses qui nous maintiennent en pleine forme. Le sport et l'amour à la vitesse de la vie. Et pour vous, au son des... moteur. Samir Bouadi, merci. Vous pilotez la caméra, Claude Lelouch? Je pilote les voitures, je pilote la caméra. J'aime la vitesse. J'aime la vitesse parce que la vie est courte et que plus j'irai vite, plus je ferai de choses. Voilà, donc c'est quelque chose de naturel chez moi. Et j'ai toujours aimé la voiture parce que c'est ma maison préférée. Je me sens libre, je vais où je veux. On me fout la paix et en plus je vois les autres. Vous voyez, à travers le pare-brise, donc c'est un lieu magique et voilà, donc j'écris la plupart de mes histoires en voiture. Allez, dans l'autoradio, on glisse un CD, ok, pour faire la route avec vous, Claude Lelouch, jusqu'à 18h si tu écoutes J'annule tout sur France Inter, à venir la chronique, le reportage, que dis-je, de Guillaume Meurice. Je suis le vampire de l'amour, je dois embrasser tous les jours. Pour rester en vie chaque nuit, je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour, chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour, vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau, mon ombre se petit se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Vampire de l'amour, il est 17h37 sur France Inter et nous sommes en compagnie de Claude Lelouch dont le prochain film sort en salle demain, 1 plus 1 avec Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Nous avons Samir Bouadi, nous avons Juliette Arnaud et Guillaume Meurice qui a été enquêté. C'est le moment, Meurice. Oui, et eh bien écoutez, chronique optimiste aujourd'hui parce que vous savez, content, on va tous crever. Allez, faites pas la gueule, il reste encore une inconnue. On ne sait pas encore comment on va crever. Alors peut-être buté par un djihadiste, un mojito à la main, ou alors d'ennui devant un discours de Xavier Bertrand, ou alors enfermé dans un camp de rééducation dirigé par Marion Maréchal Le Pen en cuissarde, hein, votre fantasme, Alex Vizorek. Je suis pas con. En tout cas, une chose est sûre, on ne mourra pas à cause du réchauffement climatique. Je le sais puisque je suis allé à la contre-COP 21, le grand sommet de celles et ceux qui se disent climato-sceptiques et qui donc ne croient pas au danger du réchauffement climatique. Alors moi, évidemment, vous me connaissez, je suis climato-sceptique. Sceptique, hein, bien évidemment. Alors, j'ai commencé, parce que je suis curieux, j'ai commencé par interroger un premier participant sur l'effet de serre. Pourquoi donc ces serres en plastique, en dessous, on cultive et ça chauffe? Ah bah c'est le principe de l'effet de serre. Bah non, puisque elles sont transparentes, donc c'est du pipeau. Oui, mais ça réchauffe. Ça chauffe, comme ça chauffe la terre. Tout ce qu'on en fait avec une serre en plastique, c'est qu'on empêche la chaleur de foutre le camp avec le vent. Mais des fois, on l'empêche trop et du coup, il y a un réchauffement climatique. Non, il n'y a pas de réchauffement climatique dans une serre. On augmente de quelques degrés la température. Ah ben, c'est ce qu'on appelle un réchauffement. C'est un réchauffement. Voilà, donc c'est un réchauffement. C'est un petit peu long hein, pour arriver à la conclusion. Alors évidemment, il n'y a pas de plastique autour de la Terre. Hein. Il n'y a pas de plastique à l'état naturel, hein. Même dans la hanche de Johnny Hallyday. Hein. C'est pas naturel. Donc, dans le cas de la Terre, si on veut résumer, c'est le gaz carbonique qui tient lieu de plastique et qui est responsable de l'accroissement de l'effet de serre. Enfin, ça, c'est l'avis quasi unanime de toute la communauté scientifique, sauf de celui qu'on vient d'entendre. Mais d'abord, est-ce que ce participant était vraiment scientifique? Je suis scientifique border. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est quoi? C'est que je suis chimiste, teinturier. Donc, bon, je suis border, quoi. C'est-à-dire que... Mais vous êtes teinturier? Teinture, la teinture. Teinture des habits. Voilà, teinture des habits, d'accord, je connais bien. Je connais bien ce genre de scientifique. Hein, ouais. J'ai une amie styliste chez Zara qui est ingénieure en aérodynamique des fluides en freelance. Hein, donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, écoutons quelqu'un d'encore plus impliqué dans la lutte pour le réchauffement climatique, c'est Pierre Bouteille. Alors, Pierre, il se dit carrément climato-réaliste. Il est même membre éminent du collectif des climato-réalistes. Comment se définissent-ils? Les grognards du CO2. Les grognards du CO2? Absolument. C'est-à-dire que vous militez pour le CO2? Mais nous militons absolument pour le CO2. Vous avez ici István Markó. Le CO2 n'est pas un poison. Si on veut nourrir 7,5 milliards d'habitants sur cette planète, heureusement qu'il y a du CO2. Et encore, la planète, pour l'instant, est en manque de CO2. La planète est en manque de CO2, là? Complètement. Mais oui, mais on savait pas ça, on savait pas. Moi, je vous le dis, on est en train de sérieusement déconner. On est en train de trier nos déchets, faire du vélo comme des glands. Faut arrêter, hein, arrêter ça. Hein. Courez acheter un poste de radio au diesel, allez chercher votre pain en Airbus à 380, remplacez les chocs à pic de vos gosses par du minerai de charbon, dépêchez-vous, il est urgent de rebalancer tout le CO2 stocké par la Terre dans l'atmosphère, c'est Pierre qui me l'a dit. Le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère actuellement ne fait qu'y revenir, parce qu'à l'origine c'est du CO2 atmosphérique qui a été fossilisé. Ah bah à l'origine il n'y avait pas d'être humain sur Terre. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez des êtres humains, mais... Vous ne savez pas ce que j'appelle des êtres humains? Non, bon, alors on n'était pas partis sur des bonnes bases avec Pierre. Bon, j'avais pas le temps de lui expliquer ce que c'était un être humain, parce qu'il y avait tout plein d'autres gens très intéressants, notamment un protecteur des oiseaux qui militait donc tout naturellement contre les éoliennes, parce que... Une éolienne en tue de l'ordre du million, voire plus, par an. Mais vous avez déjà vu des cadavres d'oiseaux au pied des éoliennes? Moi, personnellement, non, je n'y suis jamais allé. Et je peux même vous dire, pour l'avoir assisté cette fois-là, l'autopsie d'une chauve-souris qui avait été tuée par une éolienne. En fait, la chauve-souris n'est pas hachée par l'éolienne. C'est en fait une différence de pression due au mouvement des pales qui fait exploser les poumons de la chauve-souris. Ah, saloperie d'écolo, hein ! Assassin de chauve-souris, Batman, reviens ! Ils sont devenus fous. Allez, rigolez, allez vous promener au pied des éoliennes. Allez assister au génocide des tourterelles, à l'holocauste des alouettes, au nom de la sacro-sainte écologie. Dieu des oiseaux et des chauves-souris, pardonne-nous. Bon, calmons-nous, laissons le mot de la fin à un autre scientifique, et pas n'importe lequel, Fabrice Grégoire. Il est biogéographe et climatologue au CNRS, et il nous parle des bienfaits du réchauffement climatique. Je travaille en Ardèche, dans des coins où, il y a quelques années, on avait 7 mètres de neige cumulée par an, où les gens ont recommencé l'exode rural. Ils sont pour l'augmentation de température, absolument. Voilà, bah ça peut être chouette alors le réchauffement climatique. Ça peut être chouette. D'abord, il faudrait qu'il soit vraiment plus fort pour que, que ça soit vraiment chouette. Parce que là, on est encore dans un régime où il y a des alternances de périodes froides, de périodes humides. Moi, j'ai une fille qui est en Bretagne, elle trouve que les derniers étés, ça a été un peu frais. Ben hein. Oui, voilà, vous n'y pensez pas, la fille de Fabrice en Bretagne, bande d'égoïstes. Vous pensez qu'au Sahel, parce que forcément, vous avez les photos de l'UNICEF avec les petits Africains, alors ça vous fait chialer. Mais attendez un peu que la fille de Fabrice, elle vous envoie des photos d'elle avec un bonnet en laine le 31 mars. On va voir si vous chialez pas, là. Je vais même vous dire, vous allez être vert de rage, de peur, ou même simplement décoloréalisme. Merci, Guillaume Meurice. Nous sommes toujours en compagnie de Claude Lelouch. Et on va aborder le deuxième sujet qui a un lien justement. L'art peut-il nous sensibiliser et déclencher une prise de conscience face aux périls qui nous menacent et qui sont abstraits comme le réchauffement climatique, hein, l'abstraction. A priori, c'est bon. Hein. Passons même si au ça vient d'être 3, réglé. Et en plus, ça emmerde les chauves-souris. Non, si on prend les, vous savez, les 12 morceaux d'iceberg disposés en cadran qui ont fondu devant le Panthéon, oui, voilà, vous y avez fait reportage, eh bien, ce montage artistique pose cette question, l'art peut-il aider à sauver la nature ? Les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts, où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature ! Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines qui, croyez-moi, donnent à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints ? Non ! Simplement des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. Voilà, je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique. Voilà un extrait Muséo. De Muséo, ouais. Muséba. Alors, l'art peut transformer la réalité en abstraction, mais tiens, dans le cas du réchauffement climatique, par exemple, et de ce montage Ice Watch, c'est le réchauffement qui nous semble abstrait, et là qui est matérialisé, qui est rendu concret par l'art. Donc, je me demandais, Claude Lelouch, l'art et le cinéma, est-ce que ça a déjà déclenché chez vous des prises de conscience pour une cause Écoutez, vous avez vu, au cinéma, on fume beaucoup. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez des films d'avant-guerre. Il n'y avait pas un acteur qui ne fumait pas. Moi, j'ai connu, évidemment, cette période où on fumait dans les cinémas, on fumait dans les avions, on fumait en racontant une histoire à son enfant pour l'endormir. Donc, il y a une prise de conscience incontestable à laquelle on assiste. Moi, j'ai connu Paris noir, dégueulasse, avec les ordures dans la rue, tout de suite après la guerre. Donc, je ne peux que certifier qu'il y a quand même une prise de conscience et que le cinéma et tous les aboyeurs de service ont quand même fait un travail dont on, aujourd'hui, quand même, on a un élément positif. Le problème que vous avez avec moi, c'est que je suis très positif. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas grave. Ah, on adore ça. Et que je m'accroche à ce qui est réussi. Donc, je pense, j'espère que cette prise de conscience, que cette COP21 va quand même améliorer les choses, parce que moi, j'adore la Terre. Mm-hmm. Je trouve que c'est le paradis. On y est. C'est nous qui l'avons transformé en enfer. Et j'aimerais bien, quelque part, qu'on le sauve. Et justement, l'Inde, dans votre film, Claude Lelouch, plus une, le film qui sort demain en salle. Est-ce que vous avez cherché à sublimer les choses ou à montrer les réalités ou à j'ai simplement voulu filmer ce que je voyais, c'est-à-dire parce que l'Inde est un pays difficile quand même. C'est un pays magique. Je veux dire, si un extraterrestre devait se poser aujourd'hui, je conseille de se poser en Inde. Il va gagner un temps fou. Il y a tout en Inde. Il n'y a pas besoin de faire le tour de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire, le fossé entre les riches et les pauvres, là, c'est pas un fossé, c'est un océan. Mm-hmm. Mais il y a une acceptation du malheur, parce qu'ils partent du principe que chaque vie prépare celle d'après, que chaque vie est le brouillon. Donc c'est une autre philosophie, la mort n'existe pas pour eux. Donc ils ont tout leur temps, et le temps, lui, qui a tout son temps, devrait trouver des solutions à toutes nos questions. Mais quand Elsa Zilberstein se baigne dans le Gange, Jean Dujardin, à un moment, lui rappelle que ça n'est pas le fleuve le plus propre de sa génération. Non, ce qui rend encore plus formidable le miracle, s'il doit avoir lieu, je veux dire, parce que se baigner dans le Gange, si on en sort indemne, c'est qu'il y a vraiment un Dieu qui existe. Oui, elle va bien ? Elle va bien, ça ? Elle va bien, elle va bien. Non, non, elle a pris un petit rhume, mais qu'elle aurait pris en se baignant dans la Seine. Claude Lelouch est avec nous, et Juliette Arnault aussi, sur France Inter. Oui, avec un petit, enfin un roman court de Louise de Villemorin qui s'appelle « La lettre dans un taxi. Alors ça commence comme un vaudeville, une femme oublie une lettre compromettante dans un taxi. Alors compromettante pas parce qu'elle contient des secrets adultères, mais parce qu'elle écrit dans cette lettre à son frère, et dans cette lettre elle se moque un petit peu de son banquier à elle, de mari, et du richissime employeur de son mari. Un homme trouve cette lettre dans le taxi et ne la lui rend pas tout de suite parce qu'il est intrigué et par la lettre et par la femme. Elle, notre héroïne, tout à sa peur panique de voir divulguer cette lettre et de mettre en péril la situation de son mari, se met à mentir, à s'embrouiller, et le tout petit mensonge idiot prend des proportions dangereuses. Dangereuses pour son mariage. Donc son mari commence à la bombarder de questions, elle lui répond cette chose très drôle. « Gustave, si tu veux que je te réponde, commence par ne pas me poser de questions. » Est-elle mal mariée, cette Cécilie ? Non, pas plus que les autres. C'est seulement que Gustave et Cécilie sont arrivés dans leur couple au moment de la chanson de Nougaro, vous savez, la petite fille, et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant, l'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Une femme est mariée et elle glisse parce que, comme l'écrit l'auteur, une femme fidèle après 10 ans de mariage est une jeune fille sujette aux passions. Ce thème, mille et mille fois chanté, raconté, écrit, Louise de Villemorin l'attaque à sa manière à elle, légère et sérieuse, et ce qui pourrait être trivial et de peu d'intérêt devient une chose fine, sensible par une femme de lettres qui ne se voyait pas ainsi, qui était trop modeste pour ça, et puis qui était écrasée par l'ombre de ses amis et de ses amants. Elle a commencé avec Saint-Ex, et puis Roger Nimier, et puis Malraux, et puis Orson Welles, tout ça, ça fait du monde. Le grand art, c'est la manière dont elle revisite ce thème, hein, aussi brillamment que, je ne sais pas moi, Caetano Veloso, le Brésilien, lorsqu'il reprend Coucou Roucoucou Paloma, 1954, chanson mexicaine, qui a été reprise pratiquement autant de fois que le Yesterday des Beatles. Ça pourrait avoir un côté super kitsch, super folklorique, une scie, quoi. Mais quand c'est chanté par Caetano Veloso, le Brésilien, alors là, c'est d'une douceur absolue, c'est un frémissement déchirant, ça vous effleure l'âme, ça vous réveillerait mieux qu'un baiser n'importe quelle princesse endormie dans un sommeil de 100 ans, s'il vous plaît, musique. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Et voilà la langue de Louise de Villemorin. L'amour les guida jusqu'à la chambre ombreuse où les amants ne se trouvent que pour s'égarer. Les persiennes étaient fermées et la pièce sentait le plâtre. Il y avait quelque chose d'un soir italien dont l'âme se serait déplacée. Et il y avait, montant du jardin, l'envol brusque d'un oiseau dont les battements d'ailes frôlaient le silence. Et c'est comme ça qu'une femme d'une autre époque, désuète paraît-il, je ne trouve pas, raconte le glissement à l'horizontale de son héroïne dans les bras d'un homme qui n'est pas le sien. Et comme Cécilie est une fille bien, elle dit à son amant « Je t'aime trop pour t'aimer en trompant quelqu'un ». Et comme elle est une fille bien, elle ne sait pas quitter son mari, qui, s'il est ennuyeux, n'est pas un mauvais bougre. Et comme l'amant est pur, il lui répond « En amour, il ne s'agit pas d'aimer, mais de préférer ». Ah, ça change, hein, que les situation soit du côté de la femme. Eh oui, pas toujours dans le même sens. Louise de Villemorin, je vous recommande tous ces petits livres parce que c'est toujours des petits livres soucieux de plaire et de ne pas ennuyer, où on souffre en souriant, où l'on ne se tue pas d'amour ou alors sans geindre. Je vous conseille Giulietta Lelia Colonne, Madame de, mais en fait tous, je vous les conseille tous. Merci Juliette Arnaud. La revanche de la revanche de la femme. Voilà, Claude Lelouch est avec nous. Je pense qu'il a entendu le message. Non, j'adore Louise de Villemorin. Ah non, mais ça ferait un beau film. Hein. Mais alors, ça a été adapté et c'était Blondin qui s'était chargé de l'adaptation. Mais le film, je suis désolée de le dire, n'est pas terrible. Non, mais j'ai je pense que ça mérite d'en faire. De le refaire. Oui, ça fait c'est un très bon film. C'est très très joli, ça va très très loin. Non, non, c'est bien, j'aime beaucoup. Allez, vous êtes sur France Inter, il est 17h51 et on aborde le troisième sujet avec vous. Les films français attirent plus de spectateurs à l'étranger qu'en France. C'est parce qu'on sait vendre nos films aussi, hein. On sait vendre le cinéma French Touch. Parce que parfois on s'y prend comme ça par exemple et ça plaît à l'étranger. Moi, voilà, je vais au cinéma. J'y vois de très belles femmes pour qui mon cœur s'enflamme. Elles font voir leurs deux bras ainsi que leurs tibias. Si je vois leurs épaules, tout de suite ça m'affole. Les vedettes, les grands, surtout celles qui ont du grand, me font perdre la tête et je fais pas leur toilette. Alors, est-ce que vous auriez deviné de qui il s'agit? Je sais pas qui chante là, mais j'ai déjà entendu ça. Oh, c'est probable que vous ayez entendu cet acteur. C'est Fernandel. C'est Fernandel. Oui, moi je l'avais pas voilà. Connu tout de suite non plus. C'est très oui, non, ouais. c'est ça y est. Oui, c'est vrai. J'ai bien connu Fernandel. C'est vrai. J'ai fait un scopitone avec lui. Ah, oui, c'est l'ancêtre du clip. Oui, oui, oui. Et... Mais non, quelle chanson? C'était le Tango Corse, un truc comme ça. Ah oui, qui est vachement bien. Voilà, le Tango Corse. Voilà, j'ai eu la chance de tourner avec lui, comme c'est ça. C'était un personnage étonnant. Il a vraiment marqué son époque. Et sous l'occupation, c'est lui qui nous faisait le plus rire, puisque c'était un des rares qui pouvait tourner. Et il y avait Fernandel et Noël sous l'occupation qui nous ont bien fait rire. Voilà. Et bien, c'est un article paru dans le Figaro fin de la semaine dernière qui nous explique qu'en 2014, le cinéma français a généré 120 millions d'entrées à l'international contre 91 millions chez nous en France. C'est la deuxième meilleure année depuis 20 ans. Il faut dire qu'il y a plus d'étrangers en dehors de France. C'est une sorte de logique. Oui. Claude Lelouch, évidemment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Le cinéma français semble plaire de plus en plus à l'international. C'est une très bonne année. Depuis 20 ans, c'est la meilleure. Vous trouvez ça étonnant ou bien... Non, le cinéma français a toujours eu des adeptes à l'étranger de tout temps. Enfin, je ne veux pas parler de certains de mes films, mais c'est vrai qu'un homme et une femme a fait le tour du monde, les uns les autres aussi. Mais dans votre statistique, il y a quand même les films de Luc Besson. Eh oui. Qui sont, est-ce qu'ils sont français? Voilà, ils sont pas très français. Voilà. Ah. Et j'adore Luc. Hein, il a raison de faire ce qu'il fait. Il est proche de ce cinéma-là, mais tous ses films sont faits avec des stars américaines, en anglais. C'est du blockbuster, quoi. Avec des, voilà. Donc il fait du cinéma américain, et c'est vrai que le cinéma américain marche très très bien à l'étranger. Voilà. Claude Lelouch, vous avez une star américaine sur l'affiche. Un type qui aurait eu un Oscar il n'y a pas si longtemps. Oui, oui. Avec un réalisateur qui a aussi eu un Oscar il y a un peu plus longtemps. Oui, mais alors. Nous, on n'a jamais voulu tourner aux États-Unis. Moi, j'ai refusé toutes les propositions américaines et Jean aussi. Voilà, on a envie de faire des films français. Est attendu. Vos deux noms aux États-Unis, c'est quand même vendeur et porteur, non? Oh, je ne sais pas si c'est vendeur et porteur. En tous les cas, on a eu chacun un Oscar. Effectivement, ça rassure les imbéciles. Me voilà rassuré. Quel est le chemin à l'international promis pour 1+1? Ça se présente très bien. Ouais. Ça se présente. Ça fonctionne? Comment est-ce qu'on l'exporte? Bah écoutez, d'abord, l'international attend que le succès soit français déjà. Il dit si ça marche pas dans le pays d'origine, je vois pas pourquoi ça marcherait à l'extérieur. Donc en général, on attend que le succès français se confirme, et c'est à ce moment-là que les ventes se déclenchent. Mais c'est vrai que on attend quand même que le pays d'origine reconnaisse le film. C'est aussi un acteur indien, donc il y a une vie. Voilà, aussi, non, mais là, je pense que c'est le 1+1 est un film universel dans la mesure où on parle que d'amour et c'est quand même un sujet qui intéresse la planète. Hein, voilà, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Par contre, on a vu quelques exemples rares. Cousin Cousine, qui avait été un petit succès en France, faire un gros carton aux États-Unis. Il peut, à un moment donné, y avoir certains films qui trouvent leur public. Alors, c'est quand un film trouve son public, il est très heureux. S'il trouve tous les publics, évidemment, c'est l'extase. Mais le cinéma français se porte pas mal. Ils sont curieux de la France. En tous les cas, les films français qui marchent le mieux à l'étranger sont ceux qui sont le plus français. Quand vous essayez de faire un faux film américain, ça marche pas. Mais si vous faites un Marcel Pagnol, Sacha Guitry, des gens qui ont marché parce que c'était vraiment français et que ce qui intéresse les étrangers, c'est la France. Oui. Alors Intouchable avait très très bien marché, The Artist et aussi Taken 2. Tout à l'heure dans le bureau, j'ai dit Taken parce que j'ai dit oui, pas c'est un film français, Taken 2, mais non. Écoutez, moi je ne connais pas. Par Luc Besson. Voilà. Oui, Luc Besson, 56 millions d'entrées hein, sur les 120 millions d'entrées à l'international. Vous aviez levé le lièvre. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, Claude Lelouch. À cette heure-ci, nous avons une proposition très indécente à vous faire. Est-ce que vous acceptez, comme on propose à tous les invités, un rôle dans un sketch que nous avons écrit pour vous? Alors, vous avez un rôle facile à jouer pour vous. Vous êtes Claude Lelouch. Et vous avez convoqué deux acteurs débutants pour les lancer. Vous découvrirez qui c'est. On y va, on est dans votre bureau. Bon, Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? Salut Karim, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour messieurs, je vous ai réunis parce qu'on m'a dit que vous étiez doué en cinéma. Oh, attends, c'est qui ce bouffon là? Attends, c'est Claude Lelouch. Bah, franchement, ça se voit, il est louche. En fait, j'ai entendu parler de votre premier court-métrage. Ah bon? Sex Step, c'est ça? Moi, je vois pas de quoi vous parlez, c'est Mathieu le réal là. Hein. Eh bien, c'est pas mal du tout. Vous l'avez vu? Ça m'a coûté assez cher. Ah, franchement, monsieur, c'est pas vrai, je vous ai fait un prix. Bon, assez parlé, je voudrais tourner le remake. Non. Mathieu, tu as l'air étonné là, non ? Ah ouais, mais c'est parce que c'est étonnant là, franchement. Oui, mais faut jamais avoir l'air étonné. Bah, moi, dès qu'on me parle d'une embrouille, je prends l'air étonné pour qu'on croive que c'est pas moi, tu vois. Bon, je réalise et vous jouez dedans. Et ça va s'appeler quand ? Ça s'appellerait 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Ah, c'est cool ! Disons que pour toi, Mathieu, j'avais pensé à itinéraire d'un enfant gâté. Parce que je suis petit ? Non, parce que... Et pour toi, Karim, j'avais salon en thème. Ah, c'est gentil, monsieur Louche. Mais j'avais déjà tourné les deux. Ah ouais, et il y aura des comédiennes ? Justement, entrez. Ah. Bonjour, chez Cinéma Argent, toute nue. Eh, hey, mais c'est Zaya. Eh, hey, comment ça va, ma sœur? Eh, hey, mais tu la connais? Bah, je l'avais vendue à Franck il y a quelques années. Mais ma sœur, tu connais Monsieur Louche? Non, Argent, Cinéma, String. Mais si, Claude Lelouch, le réalisateur de La Bonne Année. 2010? Qu'est-ce qu'elle dit? 2010, bonne année! J'ai 18 ans, liberté, argent, tout ça. Bon ben voilà, tout le monde se connaît, je crois qu'on peut commencer le tournage. Mais monsieur, le texte! Disons que dans le premier opus, il n'y avait pas beaucoup de texte non plus. Ouais, t'as raison, poteau. Et pour le cadrage? C'est pas le principal non plus. Ah bah quand même, si on voit les tatouages de Mathieu, moi j'aurais plus facile à vendre le film après. Très bien tout le monde. Tout le monde est prêt? Oui. Alors, action. Est-ce que vous êtes aussi calme sur un plateau de tournage? Vous êtes calme comme ça, Claude Lelouch? Oui. Oui, parce que je me suis aperçu qu'avec la patience et la gentillesse, j'obtenais tout de mes acteurs. Je veux dire qu'à chaque fois que... Vous savez, il y a deux sortes de metteurs en scène, les violeurs et les voleurs. Moi, je suis un voleur. Claude Lelouch, donc un réalisateur de la sextape que personne n'a vu, mais qui fera une carrière internationale et qui fait vendre le cinéma français et le football. Merci beaucoup, Claude Lelouch, d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Je rappelle que votre film sort en salle demain, 1 plus 1. Et c'est tout, hein. Et c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, avec Elsa Zilberstein et Jean Dujardin, conseillé par un fan de Claude Lelouch. Encore qu'on n'a pas Alex cité Alice Paul et Christophe Lambert, qui sont le plus 1 et plus 1. Et Venantino Venantini. Ah, notre nouvel ami. Allez, on va se retrouver demain avec Guillaume Durand, le mot de la fin, aux sympathisants de gauche qui doivent faire un choix cornélien dimanche en Pacaille, dans le Nord. Mais qu'est-ce que je peux faire ?